Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, propagande et manipulation. Freedom of propaganda is important to our democracy. De Sigelé à Lebon. Les foules sont de retour. Elles montrent de plus en plus leur visage. Quelques auteurs perspicaces. Par le fait seul qu'il fait partie d'une foule, l'homme descend donc plusieurs degrés sur l'échelle de la civilisation. On se doutait qu'un film d'Eisenstein était un film de propagande. Aujourd'hui, on ne se doute pas nécessairement que l'on a affaire à une opération de propagande qui nous vise personnellement. Pourquoi une foule fera-t-elle spontanément ce qu'aucune des unités de cette foule n'aurait fait ? Cette crise a également été un grand moment d'offensive contre la liberté d'expression et a donné lieu à la mise en place d'une propagande gouvernementale inédite. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Alors, donc, je suis Mathilde Gardonnier, docteur en sociologie. J'ai fait ma thèse sur la sociologie des rassemblements et la psychologie des foules, sur laquelle j'ai fait un petit ouvrage qui s'appelle « La psychologie des foules en question ». Et présentement, je suis Newton International Fellow, financé par l'Académie britannique à l'Université de Manchester. Alors, avant que nous n'entrions dans le sujet dont nous avions convenu, Mathias Gardinier, j'ai évidemment envie de vous poser, vous qui travaillez en tant que sociologue sur les questions collectives, cette séquence que nous vivons en ce moment, tous confinés que nous sommes, que vous inspire-t-elle ? Qu'est-ce qu'elle vous permet peut-être déjà de travailler ou d'envisager comme objet de travail ? On aimerait bien vous entendre là-dessus. Elle m'inspire beaucoup de choses. Hein. Après, je pourrais pas en parler en tant que professionnel ayant réellement fait du travail de terrain là-dessus. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur la manière dont l'État a la capacité de gérer les crises. Et moi, ce qui me frappe, en fait, c'est la différence entre les gestions des États asiatiques, d'un côté, où ces États arrivent à endiguer plus ou moins les épidémies, et où les États européens et nord-américains n'en sont absolument pas capables. Et moi, ça m'interroge en fait sur quels ont été les différents choix, est-ce que c'est la structure, la fabrique sociale qui fait que, de par une certaine discipline, certains États y arrivent, ou au contraire, est-ce que c'est les politiques publiques qui sont assez différentielles, ou est-ce que c'est un mix des deux qui fait qu'il y a un traitement social de la maladie très très différente, voilà. Un papier dans Le Temps du 24 mars indiquait que il y avait en Suisse, selon que l'on soit dans la Suisse alémanique ou la Suisse romande, des approches sensiblement différentes, l'une s'appuyant sur l'espoir de l'intervention d'un État fort, tandis que l'autre misait ou pariait sur la responsabilité collective. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous avez observé ? C'est possible effectivement que la différence entre l'un et l'autre, c'est-à-dire que d'un côté la contrainte soit extérieure et qu'on s'attende à ce que l'État, de par son action, puisse changer, ou que les personnes incorporent et reprennent en elles-mêmes les bons gestes, les bonnes pratiques, etc., puissent effectivement amener un différentiel. Donc ça, c'est est-ce que la contrainte elle est extérieure ou est-ce que la contrainte elle est intériorisée par l'individu. Et on sait effectivement en sociologie que quand l'individu intériorise la contrainte et que ça devient en quelque sorte son habitus, ça fonctionne beaucoup mieux, il y a beaucoup plus de discipline sociale. Après, je pense qu'il y a aussi des facteurs qui en reviennent aux politiques publiques, parce que par exemple en France, on est quand même une tradition d'État fort. Et on le voit avec la pénurie de masques, où au final c'est l'État qui a des plans de crise, des plans de contingence, des plans de pandémie, et l'État qui commande des masques le 21 mars 2020, alors que le premier cluster de malades se déclare en Haute-Savoie en France le 23 février 2020. Et ça relève pas de l'intériorisation de l'individu, mais ça relève effectivement de la politique en tant que telle décidée par l'État. Et pareil avec la question de est-ce qu'on va avoir des tests extensifs ou non. Après, est-ce que c'est la structure des États, est-ce que c'est les traditions politiques, est-ce que aussi en Asie il y a eu l'expérience du SARS, c'est-à-dire que les politiques publiques ont essayé pas mal de choses en 2002 et ont appris des choses que peut-être nous n'avons pas appris. Ça aussi, ça peut être donc là on est plutôt dans l'approche historique qui explique ce différentiel. Voilà. Mathis Gardénier, je vous propose qu'on panote la caméra et plutôt que de la diriger sur l'État, de faire le plan suivant sur la foule, puisqu'après tout, voilà un objet sur lequel vous avez travaillé. Alors, la réaction de la foule dans cette période-là, que vous inspire-t-elle comme réflexion ? En fait, sur la question de la panique collective, j'ai eu l'impression qu'en Occident, il y a eu une absence de panique collective, c'est-à-dire que c'était dans les médias, on voyait beaucoup parler du coronavirus, de choc de la maladie, en disant qu'il fallait s'en préoccuper, et au final, moi j'ai l'impression que cette prise de conscience, en tout cas la peur, la panique collective, justement, elle n'a pas eu lieu jusqu'à ce qu'on soit dans la situation du confinement, où là, au final, c'est pas tant la maladie que la mesure sociale d'arrêt de la vie quotidienne qui lance la panique. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la peur, elle est plus sociale vis-à-vis des mesures qui sont liées à la maladie qu'une vraie peur de la maladie, à l'inverse. Moi, j'ai l'impression que la population, elle ressent assez peu cette peur, et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a pas mal de, au-delà des questions de politique publique, qu'il y a une difficulté aussi à mettre en place des mesures de confinement. L'époque actuelle constitue un des moments critiques où la pensée humaine est en voie de transformation. D'une telle période, forcément un peu chaotique, il n'est pas aisé de dire actuellement ce qui pourra sortir un jour. Sur quelles idées fondamentales s'édifieront les sociétés qui succéderont à la nôtre ? Nous l'ignorons encore. Mais dès maintenant, l'on peut prévoir que dans leur organisation, elles auront à compter avec une puissance nouvelle, dernière souveraine de l'âge moderne, la puissance des foules. Alors que nos antiques croyances chancellent et disparaissent, que les vieilles colonnes des sociétés s'effondrent tour à tour, l'action des foules est l'unique force que rien ne menace et dont le prestige grandisse toujours. L'âge où nous entrons sera véritablement l'ère des foules. Gustave Le Bon, Psychologie des foules, 1895. Mathis Gardénier, je vous propose que nous changions de sujet, même si en ce moment, évidemment, les esprits étant focalisés sur un mono-objet, ce n'est pas forcément évident. Alors, en termes d'introduction, je vais lire un extrait d'un article que vous avez écrit sur l'influence de Gustave Le Bon vis-à-vis de l'extrême droite. Alors que l'extrême droite, écrivez-vous, semble connaître un regain d'activité, il nous semble intéressant de traiter de Gustave Le Bon, penseur de la psychologie des foules. Celui-ci n'est pas un militant d'extrême droite, et pourtant ses théories sur la foule, aristocratiques et anti-parlementaristes, ont influencé le rapport au chef et à la propagande du fascisme. Celles-ci connaissent leur ère de gloire au tournant du 19e et 20e siècle. Faisons connaissance peut-être... grâce à vous, Mathis Gardénier, avec Gustave Le Bon, ce penseur réactionnaire et aristocratique. Gustave Le Bon, c'est on va dire le penseur le plus proéminent du courant de la psychologie des foules. Il y avait aussi Gabriel Tarde, qui était un sociologue beaucoup plus intéressant que Gustave Le Bon. Il y avait aussi l'italien criminologue Scipio Sigele. Et Gustave Le Bon, il fait paraître un petit opus qui s'appelle La psychologie des foules et qui est en quelque sorte un résumé de cette discipline qu'est la psychologie des foules. Et c'est assez intéressant en fait parce qu'il dit nous sommes à l'ère moderne, donc c'est l'ère où de l'urbanisme, c'est l'ère des masses, c'est l'ère où les foules aussi s'expriment de plus en plus en politique, en sport, en morale, tout est déterminé par la foule. Et lui, il prétend livrer des recettes pour comprendre la foule. Et il développe un modèle théorique, on va dire, assez simple, avec un triptyque. La première élément, c'est la loi de l'unité mentale des foules, c'est-à-dire que l'individu, quand il est en foule, selon Gustave Le Bon, il perd en fait son individualité, son intelligence, il perd sa rationalité et il ne devient qu'émotionnel. Donc c'est-à-dire que l'unité mentale des foules va de pair avec un deuxième élément, donc c'est la loi de l'unité mentale des foules. Le deuxième élément, c'est la suggestibilité, c'est-à-dire que l'individu perd sa faculté critique et l'individu, il devient en fait quelqu'un de malléable, de manipulable. Et troisième élément, c'est la contagion, c'est-à-dire que quand quelqu'un ressent une émotion, de la joie, de la haine, cette émotion va infuser vers son voisin. Et c'est-à-dire que à partir du moment où une émotion est ressentie par un voisin, donc c'est un peu l'exemple de la hola dans un stade de foot, l'ensemble des personnes dans une foule vont partager cette émotion. Donc ça, c'est un modèle, hein, c'est pas quelque chose qui est prouvé par les travaux psychologiques ou sociologiques, mais c'est un premier modèle de la foule. Donc ça, c'est la première base que Gustave Le Bon, il offre. La deuxième, et c'est là où ça va, on va dire, on va y avoir ce lien avec aussi les théories de l'extrême droite. La deuxième, c'est que la foule, elle ne peut pas être 100 mètres, la foule, elle ne peut pas être autonome, elle ne peut pas être horizontale, contrairement à Gabriel Tarde qui disait qu'elle pouvait être horizontale. Il dit qu'il faut un meneur. Il dit qu'il faut un meneur, quelqu'un qui soit à moitié fou, qui partage les aspirations et les pulsions de la foule et qui va la diriger, la subjuguer, la dominer. Voilà. Donc ça, c'est un peu le modèle de la foule de Gustave Le Bon. Ce qui est assez étonnant, c'est que Gustave Le Bon, parmi ses précédents travaux, a notamment fait des ouvrages sur le monde du cheval et de l'équitation qu'il pratiquait. Comment, si toutefois on en sait quelque chose, Gustave Le Bon passe-t-il d'un monde, celui des chevaux, à l'autre monde, celui des humains? Eh bien, Gustave Le Bon, en fait, c'était pas un scientifique qui étudiait tous ces domaines, c'était avant tout un vulgarisateur. C'est-à-dire que il a étudié les chevaux, il a aussi étudié l'inégalité entre les races, il a fait un opus assez développé sur les peuples, les opinions, les croyances liées à l'hérédité et à la race. Ce qui est moins connu, c'est qu'il a aussi fait tout un travail de vulgarisation des travaux d'Einstein et d'études de l'atome. Et de même, Gustave Le Bon, c'est pas quelqu'un qui étudie la psychologie des foules par des expériences, etc. Il se prétend psychologue des foules en faisant la synthèse des travaux qui sont faits par ces autres psychologues des foules qui, eux, travaillent beaucoup plus dans l'empirie, dans l'expérimentation. Et en réalité, en fait, Gustave Le Bon, c'est avant tout un synthésiste, un vulgarisateur scientifique qui va passer, non pas du coq à l'âne, mais du cheval à la psychologie des foules, à l'étude pseudo-scientifique des races, à l'étude de la physique quantique et atomique, ce qui en fait un personnage assez étonnant aussi. Mathis Gardonnier, quand émergent ces travaux de psychologie des foules, on peut imaginer, vous allez nous éclairer, qu'il y a autant de courants qu'il y a d'auteurs. Est-ce qu'on peut peut-être baliser un petit peu ce paysage ou faut-il s'attendre précisément à avoir des auteurs et des écrits allant un peu tous dans le même sens? Eh bien, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai quand même lu les autres auteurs et en vérité, ce qui est très très intéressant avec l'œuvre de Le Bon, c'est que Le Bon, il en fait une synthèse quasi parfaite, c'est-à-dire qu'il reprend tous les éléments, il les harmonise, et il en fait la synthèse qu'il propose, donc avec ce triptyque. Après, le deuxième élément qui reprendra beaucoup de Scipio Sigale, c'est la criminogénéité de la foule, c'est-à-dire que pour lui, non seulement la foule, elle est influençable, mais aussi elle est potentiellement et fortement criminelle, c'est-à-dire que l'anonymat et la suggestibilité, en fait, et vont faire que le substrat, on va dire, profond de la nature humaine et des pulsions prend le dessus sur les normes, sur ce que les personnes ont pu, entre guillemets, incorporer, sur le vernis civilisationnel, et le fait d'être en foule va être nécessairement criminogène. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on le voit chez Gustave Le Bon, mais c'est quelque chose qu'on retrouve, en fait, chez tous les autres penseurs de la psychologie des foules. C'est-à-dire que Le Bon, quand bien même il n'invente rien, il en fait la synthèse la plus complète et la plus brillante, et la plus compréhensible aussi dans son ouvrage Psychologie des foules de 1895. Est-ce à comprendre qu'ils appartiennent tous, plus ou moins, à des courants d'idées, pour ne pas dire politiques, mais en tout cas des courants d'idées plus ou moins proches? Oui, il y a une proximité, je dirais, plus méthodologique que politique, de manière assez paradoxale, parce que Scipio Sigale et Gabriel Tarde, quand même, ils ont un fort mépris de la foule, ils ont un fort mépris de, on va dire, de l'idée du nombre dans la gestion de la société, ce sont paradoxalement des socialistes. Alors que Gustave Le Bon, lui, par contre, est très à droite. Mais ils se retrouveront, en tout cas, sur cette idée, cette conception de la foule. Aujourd'hui, la voix des foules est devenue prépondérante. Elles dictent au roi leur conduite. Ce n'est plus dans les conseils des princes, mais dans l'âme des foules que se préparent les destinées des nations. La naissance de la puissance des foules s'est faite d'abord par la propagation de certaines idées lentement implantées dans les esprits, puis par l'association graduelle des individus amenant la réalisation de conceptions jusqu'alors théoriques. Peu aptes au raisonnement, les foules se montrent au contraire très aptes à l'action. L'organisation actuelle rend leur force immense. Les dogmes que nous voyons naître auront bientôt acquis la puissance des vieux dogmes, c'est-à-dire la force tyrannique et souveraine qui met à l'abri de la discussion. Le droit divin des foules remplace le droit divin des rois. Gustave Le Bon, Psychologie des foules, 1895. Question personnelle, comment êtes-vous arrivé vous-même à vous intéresser à ce sujet? Par quel dédale, par quel rebondissement, par quelle lecture, Mathis Gardonnier? Quand j'étais étudiant à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, donc maintenant qui s'appelle Sciences Po Aix, j'ai fait mon mémoire sur la commune insurrectionnelle de 1792 à 1794, donc les foules révolutionnaires. Les foules révolutionnaires, donc en France, particulièrement à Paris, les sans-culottes, les sections qui menaient pas mal d'insurrections, y compris contre le gouvernement révolutionnaire. Et je suis tombé sur un petit opus de Georges Lefebvre sur la Grande Peur, et qui en fait posait les bases de la question de comment se comportaient les foules dans la Révolution française. Et je me suis dit que c'était un sujet qui avait toute sa place, pas uniquement en histoire, mais aussi en sociologie. Et c'est ce qui m'a poussé à travailler sur la question de la psychologie des foules et de la sociologie des rassemblements. Je ne peux résister à la question. Et comment se comportaient-elles les foules pendant la Révolution? Selon Georges Lefebvre, elle se comportait de manière insurrectionnelle. Et en fait, dans son ouvrage La Grande Peur, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il nous explique qu'en 1789, donc 14 juillet 1789, il y a l'insurrection du peuple de Paris. Mais en réalité, la France est toujours sous, on va dire, la coupe du roi, sous la coupe de l'aristocratie. Et ce qui se passe, c'est un épisode dont on parle très peu, mais un épisode qui, à mon sens, est extrêmement intéressant. C'est qu'il y a une rumeur qui se lance. Une rumeur qui dit qu'il y a un complot aristocratique, c'est-à-dire que les acquis de la Révolution sont menacés, que les aristocrates vont venir et massacrer la population. Et cette rumeur, elle n'est pas répandue, elle n'est pas organisée par un parti politique, par un courant politique, mais cette rumeur, en fait, elle va lancer l'insurrection sur l'ensemble du territoire français, où les paysans, où les bourgeois, où les villageois de certains villages, ils s'organisent, ils s'arment, ils prennent le château. Et en fait, c'est à cause de cette rumeur, donc juste une rumeur qui est fausse, il n'y a pas de complot aristocratique, il n'y a pas de tentative de contre-attaque, à partir de cette rumeur, eh bien, c'est le roi perd le contrôle, le roi français perd le contrôle de l'ensemble du territoire français, à partir d'une simple rumeur, d'une simple peur. Et c'est assez intéressant, parce que c'est un des rares moments où une rumeur, une panique, va faire basculer un pays d'un côté ou de l'autre. Et on en parle très très peu historiquement. Ce que vous dites, Mathis Gardonnier, me fait penser à un ouvrage sur lequel j'avais travaillé il y a quelques années de cela, en 1992, si ma mémoire est bonne. Il s'agissait d'un roman post-soviétique, puisqu'il était écrit sous l'ère Yeltsin, et qui s'intitulait tout simplement « La queue », signé Vladimir Sorotkin. Et ce roman, très étonnant, c'était une file d'attente, avec... aucune description, si ce n'est des répliques qui s'enchaînaient les unes aux autres. On ne savait pas qui parlait, ou tout au moins on finissait par comprendre qui parlait dans la façon dont l'auteur avait organisé ses dialogues, à l'intérieur desquels des personnages finissaient par s'extraire. Peut-on dire que une foule du type foule soviétique s'agglutinant à l'entrée des magasins où, on le sait, les étagères sont à l'époque totalement vides. C'est une autre figure de la foule, en sachant que dans ce roman, et c'est l'histoire de la rumeur qui m'y fait penser, des rumeurs circulent, les gens font la queue, ils ne savent pas exactement pourquoi, mais il se dit que il y a peut-être des manteaux spéciaux qui sont arrivés, ou peut-être une autre rumeur, certains morceaux de viande particulièrement appréciés, et en tout cas alléchants. Alors, s'agit-il, selon vous, Mathis Gardinier, une fois encore, d'un objet foule que la queue, la file d'attente? Eh bien, c'est assez intéressant comme question, parce que Georges Lefebvre, en fait, dans sa typologie, il dit justement que c'est sur les marchés, sur les endroits où il y a des attentes, que normalement, des consommateurs, des individus, un flux d'individus, c'est un agrégat, c'est-à-dire des gens qui vont être au même endroit, qui vont partager le même flux, mais qui n'auront pas forcément d'objets communs, qui ne vont pas partager d'interactions communes. Et il nous dit que c'est sur les marchés que c'est des rassemblements qui peuvent se transformer de l'agrégat à la foule, en fait. Et moi, j'ai l'impression, effectivement, que la queue que vous décrivez commence par un agrégat, mais par le fait que les personnes se retrouvent, même si elles additionnent de manière individuelle le fait de vouloir attendre, au final, il peut y avoir une interaction qui peut les mener à une, on va dire, à un degré d'organisation et d'action supérieure. Auquel cas, les intuitions de ces auteurs seraient justes d'une certaine manière? Oui, complètement, oui. En tout cas, elle recoupe le modèle théorique de Georges Lefebvre. Les foules sont un peu dans le cas du dormeur, dont la raison momentanément suspendue laisse surgir dans l'esprit des images d'une intensité extrême, mais qui se dissiperait vite au contact de la réflexion. Les foules n'étant capables ni de réflexion ni de raisonnement, ne connaissent pas l'invraisemblable. Or, les choses les plus invraisemblables sont généralement les plus frappantes. Et c'est pourquoi ce sont toujours les côtés merveilleux et légendaires des événements qui frappent le plus les foules. Le merveilleux et le légendaire sont en réalité les vrais supports d'une civilisation. Dans l'histoire, l'apparence a toujours joué un rôle beaucoup plus important que la réalité. L'irréel y prédomine sur le réel. Gustave Le Bon, Psychologie des foules, 1895. À propos de Gustave Le Bon, il semble qu'un certain Benito et un certain Adolphe en aient été les lecteurs, sinon assidus, mais en tout cas pour le moins passagers. Qu'en est-il réellement? Il y a eu des études sur la bibliothèque d'Adolf Hitler qui n'ont pas montré directement de lecture de Gustave Le Bon. Par contre, il y a, on va dire, une continuité intellectuelle qui se fait en fait par la communication, par la propagande et la communication publicitaire américaine. Et par contre, pour ce qui est de Benito Mussolini, par contre, il y a réellement une lecture de Gustave Le Bon et il y a une utilisation relativement cynique même de Benito Mussolini, de ses théories purement. Voilà, ça il y a une filiation qui est claire. Et pour Adolf Hitler, elle est un peu plus indirecte. Mais après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la théorie, les premières théories de la communication, les premières théories de la propagande, c'est une continuation directe de la psychologie des foules. C'est-à-dire, notamment, ça passe par l'école de Chicago, qui est elle-même très influencée par Gabriel Tard. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que ce qui s'applique à la foule, c'est-à-dire la suggestibilité, la manipulabilité de la foule, c'est quelque chose qui est aussi possible avec ce qu'il appelle le public et avec l'opinion. C'est-à-dire que considérer que les personnes qui sont le public d'un journal, hein, parce qu'à l'époque, les médias dominants, c'était les quotidiens en France et en Europe et même aux États-Unis. Et en fait, le fait de considérer le lecteur, le public, aussi influençable que le membre de la foule, et suggestionnable donc par des images simples, par des métaphores, à contrario de raisonnement, et par le fait que le média, en tout cas celui qui écrit dans le média, se considère comme ayant la capacité d'influer sur son lectorat de manière complètement directe. C'est quelque chose qui est directement issu de la psychologie des foules, c'est quelque chose qui est inventé intellectuellement par la psychologie des foules, qui se retrouve dans la publicité, qui se retrouve dans la communication, et cette publicité, ce rapport à la communication, c'est quelque chose dont Adolf Hitler, pour inventer sa propagande, parce que c'était avant tout un virtuose de la propagande nazie, il s'inspire directement de cette conception de l'humain, de cette conception de la réception, qui donne aussi le modèle de l'hypodermic needle, c'est-à-dire que l'idée que le média, il instille directement dans l'esprit de la personne, qui lui implante une idée. Bon, après, heureusement, on verra avec notamment Lazarsfeld qu'en fait, ces théories, elles sont à relativiser et que les personnes ne sont pas si influençables que ça par les médias. Mais en tout cas, la théorie de la psychologie des foules, la manipulation des foules, elle est, on va dire, un manuel, en fait, elle est un manuel d'outils pour le fascisme. Et ça l'est d'autant plus qu'il y a aussi une affinité élective, dans le sens où quelqu'un comme Lebon, il nous dit « la foule ». C'est le meneur, la foule, elle est dangereuse, la foule, elle est criminelle, elle est criminogène. Il assimile, on va dire, ses penchants criminogènes aux institutions démocratiques, ce qui dit que la foule est criminelle, mais il donne l'exemple de la Révolution française, il donne aussi l'exemple, on va dire, de lois en faveur des ouvriers, par exemple la mise en place d'un système de retraite. Donc là, à chaque fois, c'est, on va dire, ses aspirations populaires, mais il dit aussi que les institutions les plus dangereuses en termes de foule, c'est les institutions basées sur le nombre, donc c'est-à-dire les jurys. Dire que toute la justice de jury, c'est une justice irrationnelle qui est prône aux emportements populaires et au final à l'injustice. Et surtout, il dit, et là, c'est aussi la particularité de Gustave Le Bon, il dit, la pire des foules, le pire des groupes, c'est les assemblées parlementaires, c'est le fait d'élire, c'est le fait d'avoir le suffrage universel, c'est-à-dire une institution qui est basée sur le nombre. Et il dit aussi, c'est le parlementarisme, c'est le fait que ça soit une foule, une assemblée qui vote les lois d'un pays, qui mène ce pays à la ruine. C'est-à-dire que sa conception de la foule, sa critique du nombre, elle est fortement aristocratique, dans le sens où il faut que ça soit le chef, il faut que ça soit le génie, donc c'est aussi une théorie du leadership, donc là qui va être très compatible avec les conceptions fascistes. Et le fascisme a aussi besoin d'outils de manipulation des foules, parce que le fascisme, il entend appuyer son pouvoir par le contrôle des masses et des esprits. Donc là, il y a vraiment une affinité élective. Et surtout, c'est que, au final, ce que dit la psychologie des foules, c'est pour mater la foule, pour parvenir à contrer ça, en fait, ce qu'il faut, c'est un leader, c'est-à-dire quelqu'un qui soit à la fois un chef rationnel, mais qui a capacité à diriger, à canaliser, à mater la foule. Et en fait, en réalité, cette conception politique, elle est extrêmement compatible avec la conception du Führerprinzip, du Duce, qui sont développés par les régimes fascistes. Et d'où, à mon sens, cette affinité élective, pour reprendre le terme de Weber, entre psychologie des foules et fascisme. Voilà. Demain, nous retrouverons le chercheur Mathis Gardinier pour poursuivre cette semaine que nous consacrons à la propagande et à la manipulation. Une semaine réalisée par Jean-Philippe Zwahlen. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker, Jean-Philippe Zwahlen et la voix de Philippe Grappelou. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.